Vas-y, vas-y, écoute ça, comme c'est nul. C'est un type, il croit, il fait de la musique, mais il fait que de la merde. Vas-y, écoute, c'est nul, c'est bidon, c'est pourri, c'est Quick Dark. Se lever tous les matins, avec la meilleure envie de crever. D'abord en faire un tas de CV, envie de s'achever. Encore un jour de grève, personne ne sait pourquoi. Y'a mon colocal, je rentre pas chez moi, et je m'emmerde. Marre d'aimer la cam, d'écrire des poèmes. Gâchis cachés dans ma musique, pourtant j'ai pas de flemme. Je flemme, flingue, gratte comme un peigne. La solitude est surpeuplée, putain comme les gens ont l'air de s'amuser. Je te trompe pas d'optimistes qui sont fans de ce que je fais. Les autres à lui s'en branlent, mais ma bande m'a rejeté. Obsédé par l'obscénité, je parle peu de cul. Alors j'en ai jamais touché. J'ai une vraie scène de complexe d'identité. Avec un rap de tâche façon Jackson, voilà. J'emmerde Jackson, pas Michael Jordan et Michael Jackson. Tu vois devant toi le MC putain avec Marilyn Manson. Avec tout ce qui sonne, je pisse comme une colombe. Mais c'est plus envahissant que ces colombes. À quoi servent mes CD? À rien peut-être offrir ton cadet. Un contrairement à Frico, mon rap ne servira même pas à me dépuceler. Ce que j'ai fait est trop incompris dans l'ombre groupe. Aucune groupe ne pourra me soucier. En fait, mon rap ne vous est pas dédicacé. Si je compte défouler, ma façon moi de communiquer. J'en ai beaucoup de vraies relations amoureuses. Et on a déjà la majorité qui est pas heureuse. Les yeux sont fermés quand il s'agit de voir la vérité. Imagine l'internet entier de mettre que écoute ton disque et qui comprennent même pas le message comme quoi t'es dépressif. Elles confondent dépression et sommeil. On voit que ces gueuses et ces gonzes à la buzz n'ont jamais de problème. Je pense à cette gadget quand je parle à mon petit zizi 18 cm et demi. Enfin c'est comme les notes, ça varie en fonction de l'état dans lequel je suis. En France ou Californie, calibre en californication. Fornication à califourchon, une fourchette dans le cul, une fourmi. Tu te demandes pourquoi je pique des câbles. Viens, sors avec moi, je ne frappe pas les femmes. Rien que tu t'en fous de moi, mais rien que le son t'aime ça. Bah ouais, je débarque face du gros, c'est pas un cadeau, c'est moi le puceau. L'alcool, le papo, amateur de râteau, des programmateurs de radio, des respirants, pas de mots, sans foi, elle est certainement pas un salaud. Plus que ton liquide vaginal, ma bave est salaud comme l'eau. Bah ouais, c'est trop tard, c'est moi le bâtard, je veux pas m'intégrer dans cette pathétique société. Je suis pas du genre à écraser les artistes, débutants, les anarchistes, pas assez méchants, ce sont des connards. J'ai besoin de violence, sinon je décline. Alors je fais de la musique pourrie et des crimes. Je suis ma propre existence, le piment de ma propre vie. Je ne suis pas fameux, je pue de la gueule et n'est pas mon goût. Les gens m'en veulent et les filles, je ne leur plus pas beaucoup. Voici le mode d'emploi de comment devenir fou. En délectation, pas de sélection, l'introduction, ma diction, pas de fiction. Flagrant, déprimant, les fractures, les frictions. Bienvenue dans ma boîte, gloire à ses cloisons. Des besoins verdés au bateau, les irrespects sont donnés. Donc les sincères salutations. T'inquiète, mec. Bonjour. Need some help? Fucking! I need some help! Need some fucking help!